premier temps de la matinale des droits et libertés. On s'attaque maintenant à une question qui a l'air simple, mais qui ne l'est pas du tout. La majorité à 18 ans, a-t-elle encore un sens dans notre société ? On devient citoyen, responsable pénalement, électeur, signateur de ses contrats, tout ça en un seul jour. Le passage à 18 ans. Mais est-ce que cela correspond encore à la réalité ? Pour en parler, nous recevons Harmonie, Imane et Célia, qui sont travaillées ensemble sur cette question. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Harmonie, vous commencez votre travail par une définition forte. Qu'est-ce que la majorité en droit ? En effet, la majorité, c'est l'âge où la loi considère qu'une personne peut exercer pleinement ses droits et être totalement responsable de ses actes. En France, elle est fixée à 18 ans. Mais ce chiffre interroge, parce qu'avant cet âge, on peut déjà prendre des décisions importantes, comme avoir des relations sexuelles à 15 ans ou commencer à conduire à 17 ans. Et dans d'autres pays, l'âge de la majorité varie. C'est la question. 18 ans, est-ce vraiment un seuil adapté ? Imane, vous montrez que le seuil de 18 ans a quand même certaines logiques. Pourquoi ? Tout d'abord, les lois doivent être simples et les mêmes pour tous. La majorité à 18 ans évite d'avoir des situations où deux personnes du même âge auraient des droits différents. Ensuite, cela garantit une égalité juridique, tout le monde devient citoyen au même âge, quel que soit son parcours ou son milieu social. Et enfin, fixer un âge commun évite des débats infinis sur la maturité individuelle qui serait trop impossible à évaluer. Vous montrez aussi que 18 ans ne correspond pas toujours à la réalité. Pourquoi ? En effet, parce que 18 ans ne garantit pas la maturité. Certains jeunes sont responsables bien avant, d'autres ont besoin d'encadrement longtemps après. On peut aussi comparer avec d'autres pays. Dans certains États, des responsabilités ne sont autorisées qu'à 21 ans, comme l'achat d'alcool ou d'armes. Et puis la transition mineure-majeure, en un seul jour, est brutale. Tout change légalement, mais pas toujours psychologiquement. Célia, vous élargissez encore la réflexion. Vous dites que 18 ans est devenu un âge symbolique. Pourquoi cela ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes ne sont pas 100% autonomes à 18 ans. Les études durent plus longtemps, la vie coûte plus cher et trouver un logement devient de plus en plus difficile. Donc 18 ans est un passage légal, mais ce n'est pas forcément un passage vécu par tous. Interroger la majorité, c'est poser une question plus large. Qu'est-ce qu'être adulte vraiment ? Et que fait-on quand la norme juridique ne colle plus aux réalités sociales ? La majorité à 18 ans reste un bon repère juridique, mais ne reflète pas toujours les parcours réels des jeunes. Elle garantit l'égalité devant la loi, mais ne dit rien de la maturité ni de l'autonomie réelle. Et finalement, la question centrale, c'est 18 ans, est-ce encore pertinent dans une société où l'entrée dans l'âge adulte est plus progressive et plus inégale ? Merci à toutes les trois pour cette analyse précise, vivante et vraiment éclairante. On se retrouve juste après une courte pause pour la suite de la matinale des droits et libertés.